Vous écoutez l'émission de l'auteur et philosophe Alexandre Timon, Les Révolutionnaires de Salon, sur Radio Impact. Là, je vais vous faire peur, tout le monde. Là, je vais vous parler des arsenaux nucléaires que les différents pays possèdent sur la planète. Donc, pour ceux qui pensent que l'Holocauste nucléaire, c'est un danger qui est écarté, ben dites-vous bien que c'est exactement le contraire. Parce que là, maintenant, il y a plein de pays qui ont des armes atomiques puis qui demandent juste à s'en servir, on va dire entre guillemets. Parce qu'avant ça, il y avait la bipolarité entre les États-Unis et la Russie. Puis là, on craignait que, bon, à cette époque-là, un conflit se déclenche entre ces grandes puissances-là. Mais aujourd'hui, il y a plein de pays qui ont des bombes, donc ça peut déclencher au Moyen-Orient. Ça pourrait être, par exemple, avec l'Iran contre Israël. Ça pourrait être le Pakistan contre l'Inde. Ça pourrait être l'Inde contre la Chine. La Chine contre les États-Unis, etc., etc. Donc, il faut s'attendre à ce que l'humanité on ait un holocauste atomique. Peut-être d'ici 25, 50 ans, 100 ans, c'est sûr qu'il va réexploser des bombes atomiques à un moment donné. Parce que si on se fie, par exemple, aux probabilités de la roulette, ben quand on est sur une série de rouges, ben à un moment donné, les noirs arrivent, ainsi de suite. Mais la probabilité la plus fréquente, c'est rouge-noir, rouge-noir. Mais quand ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé une guerre, ben il y a plus de chances. La probabilité est plus forte que la probabilité inverse arrive. Donc, comme par exemple en ce moment avec la grippe coronavirus, ben on avait rarement connu une pandémie mondiale comme ça. Donc la probabilité que ça arrive était très haute, donc ça l'arrivait. Mais pour qu'après ça, il y ait une autre pandémie tout de suite après, que la Syrie a continué, ben il y a moins de chances. Donc c'est ça. Fait que comme ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y a pas eu de bombes atomiques vraiment qui ont sauté sur des populations, ben il y a de bonnes chances que ça réarrive à un moment donné là, dans l'histoire. Puis là, est-ce que ça va entraîner une escalade de la guerre, une escalade des bombardements atomiques? Peut-être que oui, mais bon, on souhaite que non, là. Mais là, le problème, c'est que tous les pays veulent avoir la bombe atomique, évidemment, parce que c'est une façon de faire du chantage par la peur de dire, bon, ben nous autres, on a la bombe, tenez-vous tranquille, si vous nous attaquez, on vous envoie une coupe de bombes, soit par nos sous-marins, soit par des missiles intercontinentaux, etc. Donc, c'est une menace, dans le fond, qui est toujours potentielle. Ça, c'est sans compter le terrorisme international, là, qui pourrait utiliser à un moment donné des bombes atomiques comme ça, là, des micro-bombes. Donc, on va regarder les arsenaux nucléaires actuels des pays. Puis ensuite, je vais vous parler plus précisément de comment ça prend, quelle configuration que ça prend pour les pays spécifiquement. Donc, les grands leaders, donc les créateurs de la bombe atomique, sont évidemment les Américains. Les Américains, dans le fond, c'est Léo Szilard avec Albert Einstein. Quand ils ont entendu parler que les Allemands travaillaient sur un programme d'enrichissement de l'uranium, qu'ils travaillaient sur d'éventuels réacteurs atomiques, et puis que l'énergie, parce qu'Einstein, évidemment, il y avait moyen là, finalement, de contrer les Allemands. Là. Donc, c'est pour ça que ils ont créé, en 1938, le projet Manhattan. Et puis, c'est ça. Dans le fond, il travaillait à Los Alamos, dans le désert, protégé là, de tout espion qui aurait pu venir collecter des informations là-dessus. Dans le plus grand secret, ils ont créé un réacteur atomique primaire pour ensuite créer ou s'y enrichir de l'uranium. Tout ça pour advenir à Little Boy, qui est une bombe à l'uranium. Et puis ensuite, Fat Man, qui était une bombe au plutonium, qui ont envoyé par la suite sur le Japon pour terminer la Seconde Guerre mondiale. Parce que sinon, les Américains, il aurait fallu qu'ils fassent un débarquement au Japon. Puis ça, selon les spécialistes américains, ben ça leur a coûté très cher en vie des Américains. Donc, ils ont préféré utiliser la bombe atomique, ce qui a terminé la Seconde Guerre mondiale dans une vue pacifique, là, ce qui sera probablement pas le cas à notre époque. Là. Donc, on va regarder les arsenaux nucléaires de 2012. C'est les statistiques que j'ai trouvées. C'est sûr que ça peut varier un petit peu là, d'année en année, mais grosso modo, c'est des chiffres qui se tiennent encore. Donc, par exemple, les États-Unis, ça, c'est ça les chiffres que je vous parle. Entre les États-Unis et la Russie, c'est les stocks d'armement après le désarmement nucléaire qu'il y a eu, là, après des traités là, que je vais vous nommer tantôt, là, dans le fond, qui ont... j'ai la liste des différents traités, où est-ce que là, les Russes et les Américains ont décidé de se dénucléariser tranquillement, parce que là, évidemment, il y avait une escalade de la construction de bombes atomiques, puis ils se disaient, ça n'a pas de bon sens, à un moment donné, on se pète ça sur la tête, on va tout détruire, là. Donc, ils ont fait des traités, ce que finalement, ils ont démonté des bombes, mais il en reste encore beaucoup, là, tu sais. Parce que en fait, une bombe atomique, ce que ça va faire, ça va... Tu sais, les gens voient ça comme de quoi d'extrêmement puissant, mais oui, c'est très fort, mais essentiellement, ça va rien que détruire une ville, OK? C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des bombes qui peuvent avoir plusieurs ogives à l'intérieur de la tête nucléaire. Donc, ce qui fait que tu peux avoir, par exemple, 10-12 ogives nucléaires. Donc, tu as 10-12 bombes. Fait que ça fait un méchant gros dégât, mais essentiellement, ça va détruire une région de 50 à 100 km, ce qui comprend une ville, par exemple. Mettons la ville de Montréal ou la ville de New York. Avec une bombe atomique, ça serait pas mal tout explosé. Donc, les Russes, eux autres, à l'époque de la guerre froide, puis les Américains aussi, vice-versa, avaient des bombes de stocker dans leur arsenal, où est-ce qu'il y avait la ville des pays qui était écrit dessus, là. Donc, il y avait une bombe pour Moscou, il y avait une bombe pour New York, il y avait une bombe pour Washington, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, la probabilité qu'ils l'utilisent était quand même assez haute. Tu sais, quand t'as plusieurs bombes pointées sur ton pays, avec le nom des villes, tu sais, t'as besoin de pas te tenir tranquille, là, mais ça peut starter n'importe quand. Donc, c'est pour ça. Les États-Unis, à notre époque actuelle, ont un cumulatif d'environ 8000 bombes atomiques. Donc, on s'entend qu'avec juste ces 8000 bombes-là, il y en aurait suffisamment pour détruire la plupart des villes sur la Terre, finalement, les grandes villes, on parle. Ensuite, les Russes, eux autres, il y aurait un cumulatif d'environ 10 000 bombes. Eux autres, ils en ont gardé un petit peu plus. Peut-être ils connaissent les stocks connus là, des Américains. Donc, ils veulent garder peut-être une petite supériorité là, au niveau des bombes. Mais rendu à ce niveau-là, ça ne fait pas une grosse différence. Ensuite, on parle de la puissance atomique de l'Angleterre avec 225 bombes atomiques. Les Anglais, eux autres, ils marchent plus par sous-marin. Eux autres, des missiles intercontinentaux, c'est pas leur spécialité. Eux autres, ils ont des sous-marins qui se promènent à la surface de la planète 24 sur 24. C'est des sous-marins qui sont prêts à envoyer des ogives nucléaires sur n'importe quelle zone de combat. La position de ces sous-marins-là ne sont pas connues parce qu'évidemment, ils veulent pas être attaqués. Un bon endroit pour cacher des sous-marins atomiques, c'est d'aller sous les calottes polaires, mettons sous la glace du pôle Nord, parce que justement, la glace qui bouge, ça fait des frottements, ça fait des craquements, ça va un petit peu camoufler les bruits du sous-marin aux autres radars ennemis qui pourraient repérer éventuellement la position d'un sous-marin nucléaire d'un pays X. Donc, mais sinon, ces sous-marins-là se promènent en tout temps, là. Et puis, c'est arrivé, voilà une couple d'années, que deux sous-marins de deux pays différents se sont heurtés parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas la position de l'autre sous-marin. Fait qu'il y a une probabilité qu'ils se rencontrent dans l'océan. C'est arrivé. Donc, la France, eux autres, ils ont 300 bombes atomiques. C'est pas une grosse puissance atomique, mais avec 300 bombes opérationnelles, évidemment, ils peuvent faire des dégâts, menacer des pays éventuels qui attaqueraient la France, etc., etc. Ensuite, la Chine, eux autres, il y aurait 240 bombes atomiques. Là, eux autres, la Chine, c'est particulier. Parce qu'évidemment, c'est la première puissance économique mondiale. Les Chinois, moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est que il y aurait une espèce de muraille de Chine, OK, où est-ce qu'ils ont deux grandes séries de bombes. Ils ont deux séries de bombes. Donc, ils peuvent envoyer une première frappe de bombes à grande distance. Puis ensuite, si ça n'a pas fonctionné, s'ils n'ont pas nuqué un pays au complet, ils peuvent envoyer une autre grande série de bombes. Donc, cette muraille-là de bombes atomiques est assez dissuasive pour les autres pays. Ils préfèrent une frappe sur les États-Unis, puis en faire une deuxième frappe. Mais la première frappe détruirait essentiellement la plupart des villes. Donc, c'est quand même assez sérieux, là. Puis la Chine, ben ça, c'est ce qui est déclaré, hein. Les stocks ne sont pas toujours très, très bien répertoriés. Fait que, tu sais, il faut se fier à ça, mais en même temps... C'est probablement un petit peu plus que ça, d'après moi. Connaissant la capacité de production de la Chine qui est l'usine de la planète en ce moment, là, ces autres ils ont une capacité de production incroyable. Là, ça me surprendrait beaucoup que ce soit arrêté à 240 bombes. Là, ils doivent être dans une espèce de folie là, à construire plein de bombes indéfiniment là, pour être certain de pouvoir rivaliser contre n'importe qui, y compris les Russes. Même si les Russes, c'est leur associé en temps normal contre les Américains, il n'est pas exclu que la Russie... Fasse la guerre pour une raison quelconque à la Chine. Donc, avec leurs 10 000 bombes, les Russes, ils pourraient nuquer pas mal les grandes villes chinoises. Donc, les Chinois doivent avoir pensé à ça, là, étant le deuxième pays avec les plus hauts QI sur la planète avec 106 points moyens, là. Bon, ensuite, on a l'Inde. Eux autres qui auraient un arsenal de 80 à 100 bombes. Ce qui n'est pas énorme, mais les Indiens, eux autres, leur ennemi principal, souvent, c'est la Chine, évidemment, et puis aussi le Pakistan. Parce que ces deux pays-là, ils s'aiment pas beaucoup. Hein? On a des musulmans d'un côté, des hindouistes de l'autre. Il y a eu plusieurs invasions de l'Inde au Pakistan. C'est ce qui fait en sorte que le Pakistan aussi s'est armé de la bombe atomique pour faire une dissuasion nucléaire, d'avertir les Indiens de ne pas franchir leur territoire. Donc, puis les Indiens, ce qui est triste, je vais vous faire la petite histoire, c'est que eux autres, dans le fond, comment ils ont fait pour acquérir la bombe atomique, comme j'expliquais la semaine passée, c'est qu'à un moment donné, tu sais, j'allais dire l'humanité, avec notre bonne foi, notre grande candeur, notre grande naïveté, c'est qu'à un moment donné, les Américains et les Canadiens ont créé le mouvement Atom for Peace, l'atome pour la paix. Ça voulait dire on va donner l'atome aux pays en voie de développement, pour qu'eux autres avec puissent développer des réacteurs atomiques, accéder à une énergie peu coûteuse, etc. Sauf que, mais évidemment, ce qu'il y avait en dessous de ça, d'après moi, c'était des intérêts tout simplement économiques. Les Américains, les Canadiens voulaient vendre leur série de réacteurs aux pays pauvres. Parce que, mettons, nous autres au Canada, comme j'expliquais l'autre fois, c'est les réacteurs CANDU. Mais les Américains, eux autres, avec, ils avaient leur type de réacteur qui marchait avec de l'uranium plus concentré, par contre. Donc, à un moment donné, ils ont été voir les gouvernements, ils ont essayé de séduire les gouvernements pour leur vendre leur série de réacteurs, en pensant que les autres pays seraient trop stupides pour faire de l'enrichissement de l'uranium puis se monter un arsenal nucléaire, ce qui était une grosse erreur, parce que, comme j'expliquais l'autre fois, les pays, quand ils ont un réacteur nucléaire, tout ce qu'ils veulent faire, c'est obtenir le fameux plutonium pour se garantir un bel arsenal atomique qui va bien, qui a une grande probabilité d'explosion. Donc, les Indiens, ben c'est ce qu'ils ont fait. Fait que là, nous autres, on leur a fourni tous les plans pour les réacteurs, puis finalement, ben ils se sont montés un arsenal atomique, fait qu'ils ont fait exploser leur première bombe atomique, je vais vous mentionner tantôt avec les dates et tout ça, là. Bon, ensuite, le Pakistan, eux autres, sont évalués à 90 à 110 bombes. Bon, c'est sûr, le Pakistan, eux autres, ils ont beaucoup moins de moyens économiques que l'Inde, là. On s'entend, beaucoup moins de travailleurs. Là, le Pakistan, eux autres, c'est une histoire particulière. C'est ça, vous pouvez aller voir les documentaires sur Abdul Qader Khan, qui est un islamique. Lui, dans le fond, c'est un monsieur, un physicien qui a travaillé pour les Hollandais dans des centres de pièces là, pour le nucléaire. Puis lui, à un moment donné, ben c'est un espion. Fait que il a copié des plans, il a copié toutes sortes d'affaires, il a copié les fournisseurs, il a pris ces listes-là. Puis finalement, il est devenu un peu le faire-valoir, le porte-parole pour les Pakistanais. Donc lui, ça a été l'instigateur du projet atomique des Pakistanais, du gouvernement pakistanais. Mais tout ça était fait dans le plus grand secret, là, évidemment. Mais lui, Abdul Qader Khan, ce qu'il a fait par après, vu qu'il avait accumulé des connaissances sur la fabrication des bombes atomiques, ben il a vendu les plans. Ça, c'est dans le début des années 90, là, où ce que l'Internet n'était pas encore super répandu. Donc, lui, il avait accès non seulement aux plans, comment faire la bombe atomique, mais il avait aussi accès à des fournisseurs de pièces que ça prend pour faire soit l'enrichissement, soit construire les pièces pour les bombes atomiques, etc. Donc, il a vendu ça au monde islamique. Il a vendu ça aux plus offrants. Donc, les pays qui voulaient acquérir la bombe atomique de façon illégale, ben Abdul Qader Khan, pour quelques milliers de dollars, ben il vendait ses plans. Puis il vendait les listes de fournisseurs, etc. Puis ça serait Abdul Qader Khan qui serait responsable finalement aussi peut-être du programme nucléaire de la Corée du Nord. Que dans le fond, c'est lui qui aurait été l'instigateur, il aurait fourni les plans là, pour ça, là, même si bon, ça a commencé, je pense, sous l'égide du père à Kim Jong-un, là, son grand-père à lui. Là. OK. Donc après ça, Israël. Bon, Israël, encore là, ça c'est un autre problème. Mais les autres Israël, ben, tu sais, sont intelligents, hein? C'est les Juifs ashkénazes. 40% de la population en Israël, c'est les Juifs ashkénazes. Les Juifs ashkénazes, ben, selon les tests de quotient sur la planète, ça serait l'ethnie qui aurait le plus haut quotient, avec 107-110 points moyens. Donc, ils sont très, très intelligents. Les Israéliens et les Juifs ashkénazes, ben, c'est 30% des prix Nobel. C'est 50% des champions d'échecs. Albert Einstein est un Juif ashkénaze. Gary Kasparov, un de ses parents, 190 de quotient. Champion d'échecs pendant 15 ans du monde. Ils sont très rusés, ils vont se développer très rapidement. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait, encore là, une usine d'uranium, une usine nucléaire standard, un power plant, et puis où ce qu'ils produisaient de l'électricité. Là. Puis là, à un moment donné, c'est qu'eux autres, il y avait une double façade. En arrière de l'usine standard, ben il y avait des laboratoires d'enrichissement de l'uranium qui n'étaient pas visibles du tout. Donc, à un moment donné, il y a un employé, comment il s'appelait, donc, je vais retrouver son nom, là. Lui, le gars, il a dénoncé le fait qu'il y avait de l'enrichissement d'uranium dans ce site-là. Mais, ce que ça a fait, c'est que les autorités internationales, eux autres, ils ont été vérifiés, voir si c'était vrai. Sauf que c'était tellement caché dans les murs, tout ça, qu'il y avait des passages secrets qu'ils ne l'ont jamais trouvé, là. Fait que finalement, ben, ils ont réussi à se monter un arsenal nucléaire. Parce que les autres, les Israéliens, faut comprendre, ce sont des Juifs dans un monde islamique. OK? Partout autour d'Israël, c'est le monde musulman. Là. Puis ça, les Juifs, les musulmans, eux autres, ils saillissent là, depuis les premiers temps. Là. OK? Donc, les Israéliens, eux autres, après la Seconde Guerre mondiale, ben, se sont fait réoffrir leur pays. Donc, t'as des Européens juifs ashkénazes qui sont redescendus en Israël. Puis là, ils ont retassé les musulmans qui étaient là. Donc, eux autres se sont dit, plus jamais on va revivre un holocauste. Donc, on va se monter un arsenal atomique. Puis comme ça, on va pouvoir se protéger définitivement. Il n'y a plus personne qui va pouvoir nous attaquer, sinon on les fait exploser au nucléaire. Mais là, moi, ce que j'ai ici, c'est 80 bombes atomiques. C'est le plus probable. Mais il y a aussi des statistiques qui vont dire qu'il y aurait jusqu'à un arsenal de 200 bombes atomiques. Ce qui ne serait pas surprenant parce que, encore là, il opère, eux autres, beaucoup dans le secret, là. Bon, après ça, la Corée du Nord, ça, c'est un nouveau joueur. Eux autres, il y aurait environ, en tout cas, en 2012, 6 à 8 bombes, là. Mais ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20, là. Ça, c'est extrêmement difficile d'avoir les vrais chiffres parce que c'est tout caché, ça, là. C'est tout dans des usines dentaires cachées. Les autres, ils se montent un arsenal atomique, eux autres, avec, là. Même si Donald Trump s'est réconcilié un peu avec le chef de la Corée du Nord récemment, ça n'empêche pas qu'il se monte un arsenal en secret pour ensuite, s'il y a de quoi, sortir les bombes aux futurs ennemis, là. Puis en plus, eux autres, ils ont travaillé sur des missiles intercontinentaux, donc ils peuvent envoyer des missiles assez loin pour toucher le territoire américain ou différents ennemis qu'ils ont en Asie, comme par exemple le Japon, la Chine. C'est sûr, la Chine, eux autres, ils ne pourraient pas rivaliser longtemps, là. Mais tu sais, ils se préparent. Tout le monde va avoir son arsenal atomique. Mais ça, la Corée du Nord, eux autres, c'est pas déclaré dans le sens que c'est un arsenal illégal. Israël, c'est pas déclaré, c'est un arsenal illégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit au pays de se monter un arsenal nucléaire. C'est parce que je pense que t'as 8 pays qui ont le droit d'en posséder, puis le reste, ils n'ont pas le droit, là. Pour éviter justement la dissémination des stocks d'engins nucléaires. Donc, que tout ça, ce cumulatif-là, donne environ sur Terre environ 19 000 bombes atomiques. Donc, avec 19 000 bombes atomiques, l'humanité a amplement la capacité de s'autodétruire. Et puis là, je peux faire une petite parenthèse là-dessus, avec mes connaissances, c'est que dans le fond, pour que la planète soit radioactive, comme j'expliquais l'autre fois, c'est qu'en fin de compte, t'as pas besoin d'avoir tant de bombes atomiques que ça, parce qu'en fin de compte, le problème, c'est plus que ça peut créer, selon les spécialistes, un hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, comme un hiver volcanique, parce que dans le fond, si par exemple, ça s'est passé souvent dans les cycles de la planète Terre, si par exemple, vous avez plusieurs volcans qui vont faire des éruptions en même temps, mais ça va remplir l'atmosphère de fumée, ce qui va bloquer les rayons du soleil pour atteindre la surface de la planète, ce qui va créer un refroidissement prolongé, tout dépendamment du temps que ça prend aux nuages avant de se dissiper, là. Donc, une fois que la température terrestre à la surface de la planète va avoir diminué, ben ça va faire en sorte qu'il peut carrément se créer un hiver volcanique ou un hiver nucléaire. Donc, s'il y a trop de villes qui sont bombardées aux bombes atomiques, c'est qu'ensuite, ces villes-là, en brûlant, vont dégager plein de fumée parce qu'ils vont faire brûler des plastiques, des métaux, du bois, toutes sortes d'affaires, ce qui va entraîner un gros smog de fumée dans toute l'atmosphère terrestre. Donc, ça peut aussi entraîner un hiver nucléaire. Donc, l'hiver nucléaire est quasiment pire. Ben, en tout cas, c'est sûr que là, ça se passait la radioactivité là, qui serait résiduelle, aussi le gros problème, là. Mais c'est que si les pays tombent dans une escalade nucléaire puis commencent à se bombarder l'un l'autre, ben c'est que ça pourrait entraîner un hiver nucléaire, ce qui fait que finalement, il y aurait de la neige partout sur la planète, puis ça va tout enterrer nos infrastructures. Fait que l'humanité, nous autres, là, ben, il faudrait soit déterrer ce qui tombe ou carrément monter avec la neige qui va tomber graduellement, mais quand même, au bout du compte, on pourrait se retrouver en haut à 500 mètres, à 1 km au-dessus de nos infrastructures. Donc, nos infrastructures seraient partiellement inutilisables et aussi radioactives, là. Donc, c'est extrêmement risqué de se faire la guerre atomique. C'est pour ça qu'il faudrait encore dénucléariser l'arsenal atomique pour éviter cette probabilité-là, qu'on sait très très probable, qu'on sait très pertinente, qu'on sait qu'elle peut malheureusement arriver. Donc, en tant que civilisation, il faudrait se donner les moyens d'éviter cette probabilité-là. La seule probabilité que je vois qui peut être utile d'avoir un arsenal atomique, parce que l'arsenal atomique, ça c'est vrai, c'est clairement pour ne pas utiliser contre nous-mêmes, notre propre civilisation, ça serait, advenant le cas, qu'il y aurait une civilisation extraterrestre qui voudrait coloniser la planète Terre. À ce moment-là, notre arsenal nucléaire pourrait servir à contrecarrer cette invasion-là, mais c'est ça, il faudrait que ce soit un arsenal pour contrecarrer les espèces dans l'espace et non pas sur Terre. Parce que sur Terre, de se faire la guerre entre pays, de se faire la guerre entre peuples pour des considérations X, Y, Z anodines, ça servira absolument à rien. Okay? Puis là, ce qu'on peut craindre aussi à notre époque, ça c'est une autre petite parenthèse, c'est pas... Oui, c'est les déflagrations entre les grands pays, les grandes puissances, bon, qui pour des intérêts économiques, etc., des intérêts géostratégiques, vouloir acquérir, par exemple, d'autres territoires, vouloir des ressources de l'autre. Bon, ils peuvent se nuquer un peu, là. Mais je pense que la menace qui est peut-être plus probable, en tout cas qui est plus minimaliste, mais qui est quand même peut-être plus probable, c'est le terrorisme nucléaire. Puis pas uniquement avec des bombes sales, où est-ce que là, les terroristes islamiques pourraient faire exploser une petite bombe standard au TNT avec quelques polluants radioactifs juste pour étendre ça dans la matière, là. Faire une bombe sale, une bombe chiante, qui va créer de la pollution. C'est que d'après moi, les islamiques, eux autres, vont se créer à un moment donné des micro-bombes atomiques, et puis vont se faire sauter comme ils font partout sur la planète, là, mais ils vont se faire sauter au nucléaire. Moi, je pense que c'est plus ça la probabilité, là. Fait que dans le fond, là, les gens, ils veulent avoir de l'immigration islamique à tout prix, là, pour avoir des travailleurs. Mais quand on regarde sur les 15 000 attentats qu'il y a dans le monde à chaque année environ, t'en as 10 000 qui sont créés par des islamiques, selon les chiffres que j'ai vus sur Internet. Et puis, dans le fond, les attentats islamiques contribuent habituellement pour 75% environ des attentats dans le monde. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, au Sahel, où est-ce que là, les anciens pays chrétiens, les islamiques vont essayer de les islamiser, donc souvent vont faire des attentats à la bombe. Que ce soit aussi en Océanie, dans différents pays où ce que tu as des Asiatiques qui sont islamiques, ben aussi, il va y avoir souvent des attentats là-bas à la bombe. En Europe, en Occident en général, les Ouïghours, dans l'ouest de la Chine, tu as des islamiques là-bas, ben ils font aussi du terrorisme islamique, même si c'est des Chinois. Fait que partout où ce que le Coran est disséminé, la culture du djihad, ben indirectement, est véhiculée. Donc le djihad, ben c'est la conversion par la force, là. Donc, je comprends même pas pourquoi encore eux autres, ils n'ont pas utilisé ce moyen-là, ce qui finalement mettrait les Occidentaux à terre, là. Donc, ça, c'est une probabilité, à mon avis, qui est assez probable pour au moins les 25 à 50 prochaines années, avant une déflagration totale entre différentes grandes puissances là, qui veulent vider leur arsenal nucléaire là, pour des considérations données, là. Donc, je vais commencer avec les statistiques pour les différents pays là, sur comment ils ont monté leur arsenal nucléaire là, pour vous faire peur bien comme faux, là, mais aussi surtout pour réaliser l'ampleur de ces arsenaux-là, ce qu'on n'entend pas souvent parler à la télévision, on n'entend pas parler nulle part. Il faut vraiment s'intéresser à ce sujet-là pour voir c'est quoi le danger, dans le fond, des probabilités là, à long terme. À moyen et long terme. À court terme, peut-être pas, mais c'est sûr que, comme j'expliquais, dans les 50 à 100 prochaines années, avec tous les bouleversements climatiques qui s'en viennent, attendez-vous à ce qu'il y ait une ville qui, à un moment donné, va sauter au nucléaire. Ça, je suis pas mal certain, là. Ça va soit être le terrorisme ou ça va être un... Moi, je pense que ça va partir du Moyen-Orient. Parce que au Moyen-Orient, justement, il y a beaucoup d'explosions comme ça, pour différentes raisons, pour des prétextes, ils se font exploser. Fait qu'à un moment donné, puis j'ai pas compris là-dedans, l'Arabie Saoudite possède aussi un arsenal nucléaire caché, mais les bombes auraient été fabriquées par un autre pays, là. Dans le fond, ils ont commandé des bombes atomiques d'un autre pays pour éviter probablement de faire de l'enrichissement de l'uranium sur leur territoire. Bon. Donc, les Arabes aussi sont dans cette course-là. Bon, Pakistan, Israël, je peux faire un autre mini clin d'œil, c'est qu'à un moment donné, Saddam Hussein, dans ses bonnes années, là, bon, lui, il avait créé un site pour une centrale atomique. Sauf que là, la centrale n'a jamais été terminée. Pourquoi? Parce que les Israéliens, qui sont pas loin, eux autres craignaient, évidemment, que les Irakiens finissent leur réacteur, puis que, encore là, parce qu'eux autres même en faisaient de l'enrichissement d'uranium, puis ensuite, que les Irakiens auraient pu se monter un arsenal nucléaire. Fait qu'eux autres, les Israéliens, qui sont assez vite, se sont dit, pour eux autres, il y a un concept très, très populaire, c'est les frappes préventives. Donc, souvent, quand ils collaborent avec les Américains, ils veulent tout le temps frapper en premier avant que les autres réussissent à faire de quoi, mais ils ont fait ça cette fois-là. Puis, ils ont été détruire avec des avions, ils ont été détruire les installations en construction des Irakiens pour éviter que les Irakiens puissent terminer leur réacteur atomique. Donc, l'Irak n'a jamais pu accéder à l'arsenal nucléaire là, qu'ils voulaient, là. Donc, pour eux autres, ben, parce que là, ils étaient à une distance où est-ce que les Israéliens auraient pu finalement être impactés par ça, là, sans avoir de grands missiles intercontinentaux, là, assez difficiles à construire, là. Puis, un autre exemple aussi de ça, c'est que il y a un physicien québécois qui s'appelait Gérald Boulle, un ingénieur, qui lui avait créé un immense canon pour envoyer, au départ, c'était pour envoyer des satellites dans l'espace. C'était pour différentes applications, dans le fond, civiles. Puis Gérald Boulle, lui, il a travaillé pour le gouvernement canadien. Il a été financé pendant quelques années, mais finalement, les Américains, les Canadiens, eux autres, ils s'attendaient à de grands retours sur investissement. Donc, ils étaient obligés de collaborer aussi avec les Américains. Ça n'a pas marché. Ils l'ont emprisonné un peu, je pense, 4 ans. Après ça, lui, Gérald Boulle, il voulait, tu sais, il croyait à son invention de son super canon, son canon géant qu'il fallait carrément accoter, adosser au dos d'une montagne pour envoyer ça très loin dans la stratosphère, dans l'atmosphère terrestre. Donc lui, à un moment donné, Gérald Boulle, comme il était prêt à tout prix à faire son méga canon, il était prêt à collaborer aussi avec les Irakiens. Fait que c'est encore sous le gouvernement de Saddam Hussein, parce que Saddam Hussein, évidemment, lui, il voulait armer son pays, là. Tu sais, il a envahi le Koweït, tout ça. Il était assez expansionniste, lui, là, Saddam Hussein. Donc, Gérald Boulle a travaillé pour Saddam Hussein, pour la construction de son super canon. Sauf que Gérald Boulle a été assassiné chez lui, en Belgique, par, semble-t-il, des gens du Mossad. Donc, le Mossad, eux autres, c'est des agents secrets qui travaillent pour Israël, qui sont redoutés pas mal par tous les services secrets mondiaux là, pour leur efficacité. Donc, encore là, les Israéliens auraient fait une espèce de frappe préventive, entre guillemets, pour neutraliser le projet des Irakiens. Parce qu'évidemment, avec ce canon-là, ils auraient pu envoyer aussi des bombes atomiques. Là. Donc, ils pouvaient envoyer l'équivalent d'une petite voiture là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il pouvait envoyer un satellite directement dans l'espace, ce qui était génial, en fait. Il aurait dû continuer ça, ce projet-là. Je sais pas pourquoi les Canadiens n'ont pas donné suite, là. T'sais. Le Canada a vraiment très peur, évidemment, de se monter un stock d'armes, là, que ce soit quelconque, pas nécessairement nucléaire, mais aussi nucléaire. Le Canada n'a pas l'arme nucléaire, même si c'est le deuxième producteur d'uranium au monde. C'est assez surprenant, là. Donc, le Canada, lui, se fie sur le parapluie américain pour se protéger, n'investit pratiquement pas dans le militaire, sauf sous l'ère de Stephen Harper. Là, il y a eu une petite augmentation des investissements, mais à peine. Donc, c'est ça, Gérald Boulle a été assassiné, semble-t-il, par le Mossad israélien. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer avec les statistiques sur les arsenaux nucléaires des différents pays que je vous ai nommés. Donc, eux autres, les États-Unis, les précurseurs de ces technologies-là, malheureusement, ont démarré leur programme nucléaire en 1939, le 21 octobre. Bon, la première bombe qu'ils ont fait exploser, c'est le 16 juillet 1945. La dernière bombe qu'ils ont fait exploser, ça c'était pour les essais nucléaires en atmosphère, là, c'était le 23 septembre 1992. Bon. En 2013, leur arsenal, il était supposément redescendu selon ces chiffres-là, là, que j'ai pris sur Wikipédia. Là. Bon. En 2013, il était leur arsenal de 4650 bombes. Déclaré, on s'entend encore. Parce que, comme je dis, des fois, ils vont démonter une bombe, mais ils mettent la plutonium ball dans un baril, Donc, c'est après être rapidement remis dans une tête nucléaire. Donc, c'est un démontage qui est plus ou moins partiel, là, tu sais, là. Bon, mais le 4650 bombes atomiques des États-Unis, ça, c'est à comparer à 1966, en pleine guerre froide, ou en tout cas au début de la guerre froide, où est-ce que là, il y avait supposément un arsenal de 32 193 bombes. Donc, on voit qu'ils ont quand même, ils n'ont démonté pas mal. Tu sais, une chance, parce que là, la Russie et les États-Unis, ben, ils se tenaient tout le temps pas mal coude à coude. Donc, ça donnait des arsenaux assez épeurants, là. Ensuite, avec leurs sous-marins, eux autres, ils auraient une portée environ de 12 000 km. Ensuite, par la Terre, 13 000 km. Bon, le 11 mars, ils ont fait exploser une bombe en 1954 de 15 mégatonnes. Bon, le nombre total d'explosions nucléaires que les Américains ont faites, c'est 1054 tests. Donc, on voit que, tu sais, ils en ont fait sauter pas mal des bombes dans l'atmosphère, ce qui a fait augmenter la radioactivité générale sur la planète de 2 microsieverts à 20 microsieverts, ce qui est énorme. Bon, maintenant, la Russie. Eux autres, ils ont démarré leur programme en 1943. Eux autres, évidemment, ils se greffaient sur le programme américain. Parce qu'il y avait un espion du nom de Klaus Fuchs, qui, lui, dans le fond, a travaillé à Los Alamos, a ramassé de l'information tranquillement, pas vite, puis a retransmis ça à la Russie tranquillement. À un moment donné, il s'est fait prendre. Puis, fait que c'est ça. Fait que finalement, les Russes, parce que je vais vous le dire, dans le fond, l'histoire, c'est qu'à l'époque, Staline était vivant. Donc, Staline, quand il a vu la puissance que les Américains avaient en attaquant le Japon, ben lui, Staline, en bon dictateur qu'il était, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il faut absolument avoir cette bombe-là, nous autres, avec. Parce que là, il voulait pas que les Américains aient trop une longueur d'avance. Bon, il avait ben beau avoir ses chars T-34 en grande quantité. Il venait bien. Il avait battu les Allemands. T'sais, en tout cas, à un moment donné, il a fait démarrer le programme, dans le fond, qui. En 1943, qui est la Deuxième Guerre mondiale n'était même pas terminée, là, ils ont directement envoyé un agent secret à Los Alamos, là, pour faire la recherche, là. Donc après ça, ben ça s'est su. C'est sûr que les Américains étaient pas mal frustrés de ça, là, ils s'attendaient pas à ça, là. Puis dans le fond, c'est ça, la première bombe explosée des Russes, c'est quelques années plus tard, 6 ans plus tard, là, en 1949, le 29 août. Ensuite, la dernière bombe explosée en essai probablement là, atmosphérique, c'est le 24 octobre 1990. Bon, eux autres, leur ancien arsenal nucléaire se comptait jusqu'à 45 000 bombes. Fait qu'on voit que c'est énorme, là. T'sais, ça bat les 32 000 là, des Américains, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont fait des traités, parce que ça n'avait pas de bon sens, là. Il y avait trop de grands arsenaux des deux côtés de l'océan, là. Fait que là, évidemment, les différents gouvernements craignaient pour la sécurité de leur pays, ce qui est, puis même de l'humanité, là. Donc, c'était à s'attendre qu'à un moment donné, ils fassent une désarsenalisation, là. Bon, la portée maximale par sous-marin, eux autres, avec, c'est 12 000 km de distance. Et puis, avec les missiles interbalistiques SS-18, ça irait jusqu'à 16 000 km. Bon, la bombe la plus puissante qui a été envoyée par la Russie, ça a été le 30 octobre 1961 avec Tsar Bomba, qui était de 57 mégatonnes. Sauf que les Russes, eux autres, ils travaillaient sur une bombe de 100 mégatonnes. Tu sais, vraiment, ils voulaient pousser ça à fond, là. Sauf que là, le problème, c'est que avec cette expérience-là, à un moment donné, ils trouvaient que c'était trop, là. Puis ça, ils ont fait exploser ça en Nouvelle-Zemble, ce qui est dans le nord de la Russie, là. Il y a des îles, là, vers la Scandinavie. Et puis, ils ont fait différents tests là-bas dans le nord, autant là qu'au Kazakhstan, là. Donc, le problème, c'est que cette bombe-là était tellement puissante que le souffle de l'explosion, les matériaux étaient éjectés dans l'espace. Donc, il y avait une grosse quantité d'énergie qui était perdue dans l'espace. Fait que finalement, ça ne servait à rien de faire une bombe de 100 mégatonnes. C'était trop gros. Donc, après ça, ils ont réduit toutes les quantités, là, pour faire des missiles nucléaires plus petits, mais avec plus d'ogives, comme je vous expliquais tantôt. Bon, le nombre total d'essais qu'il aurait fait, c'est 715 tests nucléaires. OK. Bon, eux autres, au total, ils auraient produit pour une charge de 285,39 mégatonnes de puissance, distribuées dans tous les essais qu'ils ont faits, que je vous ai nommés précédemment. Bon. En 1984, les Russes avaient 67 sous-marins qu'ils pouvaient utiliser comme ça. Faire exploser des bombes atomiques à la surface de la planète, ce qui comprenait 940 missiles à charge nucléaire, pour un cumulatif de 4100 mégatonnes de puissance, avec les 4500 ogives, qui étaient cachées un peu partout, dont en Ukraine, sur le Transsibérien, sur les 28 bases de missiles en Russie, puis 300 emplacements de lancement. Bon, l'Angleterre. Les autres, ils ont démarré leur programme en 1952, un petit peu après les Russes, là. Eux autres, la première bombe explosée, ça a été le 30 octobre 1952. La dernière bombe explosée, le 26 novembre 1991. Bon, comme j'expliquais tantôt, ils ont environ un arsenal nucléaire de 225 bombes. En 1970, il y en avait plus ou moins 350. Donc, eux autres avec, ils ont réduit substantiellement leur arsenal. Même affaire avec leurs navires, ou ça pourrait être avec des sous-marins, ils ont une portée maximale de 12 000 km, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'on sait que la circonférence de la planète, c'est 40 000 km. Donc, ils peuvent faire environ le quart de la planète avec un missile comme ça. Donc, ils ont juste à se poster en périphérie d'un pays qui veulent attaquer, puis ils vont envoyer ça comme ça avec leur bateau ou leur sous-marin. Eux autres, la puissance des bombes moyennes, c'est 3 mégatonnes, ce qui est déjà énorme, là. Parce qu'on s'entend que Hiroshima et Nagasaki ont calculé ça en kilotonnes. Mais méga, c'est 1000, donc c'est beaucoup plus. C'est 1 million. Ici, le nombre total d'explosions qu'ils ont fait de tests, c'est 45. Ce qui est beaucoup moins nombreux que les États-Unis ou la Russie, là. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, là, mais oui. Bon. Eux autres, ils utilisaient les avions Vickers Valiant ou V-Bomber en 1955. Ensuite, ils ont utilisé potentiellement pour envoyer leurs bombes les avions Avaro Vulcan en 1956. Après ça, le Handley Page Victor en 1958. Puis après ça, en 1960, le président il a acheté 44 avions Skybolt à Eisenhower afin de transporter hypothétiquement ses engins atomiques là, au cas où il en ait de besoin, parce qu'on parle tout le temps que c'est une potentialité d'utilisation. Là, ils l'ont jamais utilisé. Là, pour ça, fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas eu d'autres. Là. Mais je vous dis, là, la probabilité est plus que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu qui ont sauté sur une ville, plus qu'il y a de chances qu'un moment donné, un pays ou un terroriste en utilise. Donc, il faut s'attendre à ça. Il ne faudra pas faire le saut, là, l'humanité. Là. Bon, les missiles que les Britanniques avaient, il y avait en moyenne, c'est ça, une capacité de 20 à 10 kilotonnes maximale. Ce qui était beaucoup quand même pour l'époque. Là. Mais on n'est pas en mégatonnes, c'était en kilotonnes au début. Là. De 1961 à 1971, avec les bombardiers Blackburn Buchaner. Et puis, les missiles aussi, c'était les Red Bear. Bon, maintenant pour la France. Là, c'est sûr, la France, l'Angleterre, c'est comme les anciennes guerres qu'ils ont faites là, au Moyen-Âge ou avant ça. Là. C'est deux puissances souvent qui vont suivre. Je pense pas que l'Angleterre attaque la France ou vice-versa. Là. Mais c'est quand même... ils se comparent beaucoup. Là. Donc, eux autres, ils ont démarré leur programme nucléaire en 1954. Eux autres, c'était sous le général de Gaulle, évidemment, qui lui avait joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale, même s'il était caché à l'étranger, là. Fait que lui, évidemment, en tant qu'ancien militaire de carrière, ben il a voulu doter son pays de l'arme atomique en pensant bien faire, là. Donc, c'est ça. La première bombe explosée par les Français, ça a été le 13 février 1960. Le nom s'appelait Gerboise bleue. Que ça, c'était un test qui, si je me rappelle bien, était fait en Afrique, dans le désert, là, où est-ce qu'il y avait une colonie, là. Ensuite, la dernière bombe explosée des Français, c'est en 1996, le 27 janvier. La bombe s'appelait le Xoutos. On voit les noms francophones. Ensuite, c'est ça, l'arsenal, l'évaluation est environ à 300 bombes atomiques, là, plus ou moins, là. Eux autres, c'est par sous-marin, comme j'expliquais, que le sous-marin peut envoyer entre 11 000 à 12 000 km de distance. Eux autres, bon, les puissances des bombes moyennes étaient de 300 kilotonnes à l'époque. Ils ont fait 210 tests atomiques. Puis ceux qui ont fait le programme nucléaire d'eux autres, du général de Gaulle, à partir du 18 octobre 1945, c'est le Commissariat à l'énergie atomique, plus communément appelé le CEA. Donc, ils ont utilisé en 1964 la fameuse avion Mirage 4 pour envoyer leur bombe qui s'appelait le LAN 11. Bon, ensuite, l'Inde. Bon, là, on commence à prendre plus de galons, là. Bon, eux autres, les Indiens, ils ont démarré leur programme en 1967. Leur premier essai nucléaire, c'est le 18 mai 1974. Le dernier test qu'ils ont fait, puis eux autres, ils faisaient des tests souterrains, là, c'était le 30 mai 1998. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il y a eu des traités pour empêcher les tests dans l'atmosphère, parce que ça libérait des polluants. Donc, ils ont commencé plutôt les pays à faire des tests souterrains. Sauf que des fois, bien évidemment, la Terre, elle remontait tellement qu'il y avait des échappements de radioéléments dans l'environnement, là. Donc, c'est pour ça que c'est quand même... c'est encore mal vu, là. C'est que maintenant, ils ont des appareils sismiques qui permettent de détecter si certains pays ont fait des tests nucléaires comme ça à l'étranger. Les Américains, ils vont le savoir tout de suite. Donc, après ça, ils vont avoir des représailles, soit économiques ou... tu sais, dans le fond, ils sont plus supposés trop faire des tests. Comme la Corée du Nord, quand ils font des tests souterrains, bien, les Américains, tout de suite, ils vont le détecter, là. Puis ça, ils vont le rendre public au monde, là. Donc, eux autres, l'Inde aurait, bon, à l'époque, de 100 à 110 bombes, ce qui est quand même pas mal. Eux autres, leur portée maximale n'est pas très loin de 6000 km environ. Là, on parle des missiles Annie 5. Eux autres, la puissance des bombes moyenne est de 20 à 60 kilotonnes. Donc, c'est quand même pas très, très fort non plus. Puis, ils sont non-signataires des traités de non-prolifération nucléaire parce qu'eux autres, ils reconnaissent qui ont la bombe, mais tu sais, sur le bout des lèvres, là. Donc, c'est ça. Les Indiens, eux autres, c'est en 1948 qu'ils ont démarré leur programme nucléaire civil avec le président Dwight Eisenhower, qui en 1954, avec les États-Unis et le Canada, ont travaillé à la nucléarisation de la planète avec le programme Atom for Peace. Donc, ils ont eu une défaite cuisante contre la Chine en 1962. Donc, tranquillement, pas vite, ils ont pensé que là, il faudrait qu'ils se dotent de l'arme atomique. En 1963, ils ont installé leur premier réacteur de type General Electric Bechtel avec une puissance de 320 MW à Tarapour. Mais pour acquérir ça, bien, il a fallu qu'ils signent une entente avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États-Unis, qui ont supervisé la construction du réacteur. Donc, parce que eux autres, évidemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils chapeautent tous les programmes nucléaires planétaires. Donc, si, mettons, il y a des problèmes, quoi que ce soit, ben, ils ont des ingénieurs, des physiciens qui peuvent se déplacer sur les sites pour pallier à d'éventuels problèmes là, techniques ou des problèmes qui pourraient se dégénérer là, en pollution nucléaire. Bon, maintenant, la Chine. Eux autres, ils ont démarré leur programme nucléaire en 1950. La première bombe qu'ils ont fait exploser, c'est le 16 octobre 1964. La dernière bombe qu'ils ont fait exploser, c'est le 29 juillet 1996. Eux autres, leur arsenal nucléaire, on parle de 200 à 400 bombes. Ensuite, la puissance de la bombe moyenne chinoise est de 4 mégatonnes. Ils n'ont pas signé aucun traité de non-prolifération jusqu'à ce jour. Celui qui a démarré le programme nucléaire chinois, c'est évidemment Mao Zedong. Sous l'ère communiste, en fait, mais ils sont encore communistes, mais c'était à l'époque qu'ils étaient très amis avec les Russes, l'URSS. Donc, l'URSS, eux autres, ils ont fourni de l'information pour les amener à construire leurs bombes. Mais à un moment donné, ils se sont retirés un peu parce qu'ils ont eu peur que les Chinois acquièrent trop rapidement la bombe atomique. Donc, ils n'ont pas tout donné les plans. Je pense que c'était sous Khrouchtchev. Donc, finalement, les Chinois, Mao Zedong, ça l'a un peu offusqué. Fait qu'ils ont continué à travailler sur leurs propres bombes chinoises. Puis, évidemment, ils sont arrivés à des résultats quand même, là. La première bombe qu'ils ont testée avait une charge de 20 kilotonnes en 1964 à l'endroit de Lop Nord. Ils ont aussi maîtrisé la bombe H, parce que là, on n'a pas parlé des différents types de bombes atomiques, là, ce que je pourrais faire peut-être dans un autre épisode, là, mais la bombe H, ben c'est ça, c'est une bombe à hydrogène, donc une bombe à fusion et non pas à fission. Et la bombe à hydrogène est beaucoup plus puissante. La bombe à hydrogène, pour la déclencher, parce qu'en fin de compte, c'est juste de l'hydrogène qu'il y a dedans, là. Pour la déclencher, bien, ça prend une bombe à fission. Ça prend comme une bombe atomique qui va allumer la bombe à fusion. Parce que sinon, ils ne peuvent pas la démarrer comme ça, là. Ça a été fait en 1967, le 14 juin. Eux autres, ils auraient fait en mer... je sais pas si c'est en mer de Chine. Là. En tout cas, ils ont fait 44 explosions nucléaires. Ce qui a fait, finalement, qui a rendu leur territoire partiellement radioactif. Bon, eux autres, là, OK, je vais parler de la Grande Muraille de Chine nucléaire, là, que j'ai trouvé des informations là-dessus, là. Eux autres, là, c'est de 1964 à 1995 qui ont creusé la Grande Muraille de Chine nucléaire. C'est un long tunnel de 400 km dans les montagnes du Taihang. Et puis c'est là, dans le fond, qu'il y aurait une capacité de lancer même jusqu'à de 2 à 3 séries de missiles nucléaires. Donc, les tunnels, dans le fond, sont creusés jusqu'à une profondeur de 1200 mètres. Et puis la puissance totale de ces bombes-là, ces séries de bombes-là, il reste jusqu'à 90 mégatonnes, ce qui est énorme. Ils disent que dans le fond, et parce qu'encore là, c'est tout secret, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'ils pourraient même avoir jusqu'à 3000 têtes nucléaires de cachées là. Donc, c'est vraiment une frappe globale, mondiale, que les Chinois se réservent, cachées dans ces montagnes-là, qui pourrait même avoir... les tunnels pourraient faire une longueur de 4800 km, de, je veux dire, horizontalement, là, et pas en profondeur. Là. Fait que dans le fond, leur arsenal, les autres, leur muraille de Chine nucléaire est cachée à pratiquement 5 km. Je veux dire, fait 5 km de longueur, mais est cachée à environ 1 km, 1200 mètres. Donc, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de l'atteindre. Les Américains ou n'importe quel autre pays ne peuvent pas y accéder. Donc, ils ont tellement enfoui profondément leur arsenal que il y a juste les autres qui peuvent y accéder. Là. OK, eux autres, ils ont eu un sous-marin qui a été utilisé de 1981 à 2004. le sous-marin Jin 092, qui portait au moins 12 missiles à longue portée Ju Lang. Donc, c'est des missiles qui étaient supposés disposer environ de 2 mégatonnes chacun. Puis ils pouvaient être lancés à une distance approximative de 3500 km. Mais là, aujourd'hui, depuis 2004, ils ont le 094, le Jin 094. Puis il y en aurait trois exemplaires là, qui sont actifs, là, qui parcourent les océans. Puis maintenant, depuis 2013, c'est le Jin 096 qui, lui, peut apporter jusqu'à 24 missiles atomiques. T'sais, fait que dans le fond, on voit que les Chinois, eux autres, là, ils avaient la puissance atomique, puis ils en ont en masse des bombes là, pour nuquer les Américains, les Russes, n'importe quelle grande puissance qui vont se frotter à eux autres. Ils vont se faire rincer au nucléaire, là, ça sera pas trop long. Là. Puis en plus, c'est ça, ils ont les sous-marins qui peuvent se déplacer partout sur la planète, fait que t'sais, ils sont vite rendus à ta porte. Là. Bon, Israël, maintenant. Ils ont démarré leur programme nucléaire en 1950. La première premier test nucléaire qu'ils ont fait, c'est en 1979, le 22 septembre, en Afrique du Sud. Eux autres, c'est ça, ils ont un arsenal nucléaire, si on regarde les petits chiffres, de 80 bombes atomiques, mais ça peut aller jusqu'à 200 à 400 bombes, selon les experts. Ils ont des portées maximales de 11 500 km, le modèle Jericho 3. Et puis, évidemment, eux autres ne sont pas signataires d'aucun traité de non-prolifération parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont un arsenal atomique. Mais tous les autres pays, les experts internationaux, se doutent, évidemment, qu'ils ont eu un programme d'enrichissement. Là. Bon. Eux autres, évidemment, encore là, sous la grande candeur des pays occidentaux, ont acquéri leur premier réacteur atomique avec, encore là, le programme Atom for Peace. Que finalement, ils ont eu un réacteur en 1960, là, à la centrale de Nahal Sorek, en 58. Bon, eux autres, Israël... sont capables de produire environ de 10 à 15 bombes atomiques par année sur le fameux site de Dimona que je vous expliquais qui avait des doubles murs. Là. Dans le fond, c'est ça. Puis ils auraient réussi à stocker depuis ce temps-là là, un cumulatif de 690 à 950 kg du fameux plutonium. Là. Donc, tu sais, ils en ont en masse du plutonium, les autres-là, là, pour se revenger. Là. Fait que du moment qu'un pays islamique va attaquer les Israéliens, ben vous pouvez être sûr qu'ils vont sortir le gros paquet de bombes atomiques. Là. Puis ils vont. Eux autres, ils attendent juste ça, dans le fond, de mitrailler le monde islamique. Là. Ils se détestent la mort. Là. Donc, je pense pas qu'ils vont. Comme on sait qu'ils font des frappes préventives assez fréquentes, ils s'en empêcheront pas. Là. Bon, maintenant, le Pakistan. Ils ont démarré leur programme en 1972. Le premier test nucléaire qu'ils ont fait, c'est le 28 mai 1998. Le dernier test qu'ils ont fait, c'est le 30 mai 1998. Il y aurait un arsenal approximatif de 100 à 120 bombes, ce qui est quand même énorme. Eux autres, leur portée maximale n'est pas très lointaine. Eux autres, il suffit plus qu'ils vont faire la guerre à l'Inde, j'ai l'impression, là, ou des petits pays proches là, au Moyen-Orient, là. Donc, eux autres, leur prototype de missile, c'est le Shahen-2, qui, dans le fond, a une portée maximale de 2500 km. Ce qui est quand même beaucoup, là. Ils couvrent l'essentiel du Moyen-Orient. La puissance maximale de leur bombe est de 35 kilotonnes. Donc, vous voyez que ce n'est pas les mégatonnes encore là, là, mais c'est quand même assez puissant pour détruire une ville là, ou des installations militaires. Ensuite, la Corée du Nord, eux autres, ils ont démarré leur programme en 1980. Ils ont fait exploser leur première bombe atomique le 9 octobre 2006, leur dernière bombe le 12 février 2013. Il y aurait un arsenal entre 10 à 20 bombes atomiques, à peu près maximales. Leur missile Taepodong 2C a une portée maximale à ce temps-là, là, de 9 976 à 14 964 km, ce qui est quand même beaucoup. Là. Mais aussi, la Corée du Nord ont des sous-marins. Là. c'est pas les sous-marins les plus récents, mais quand même, ça peut se rendre à côté de ton pays. Ensuite, les puissances moyennes de leurs bombes sont de 6 à 20 kilotonnes. Ils auraient fait 3 explosions, 3 tests d'explosion, mais bon, ça c'est jusqu'à présent. Ils ont signé un traité de non-prolifération en 1985, mais ils l'ont révoqué en 2003. Parce qu'évidemment, ils ne voulaient plus participer à ça, ils voulaient avoir les mains libres. Donc, eux autres, c'est ça, c'est entre 1965 et 1970 que l'ex-URSS ils ont fourni un réacteur de recherche. C'est pour ça que je dis que c'était sous l'époque du père, là, du grand-père à Kim Jong-un. C'était dans la région de Yongbyon. Ensuite, la Corée du Nord a pu être approvisionnée en uranium-238 avec les mines qu'ils ont sur leur territoire. Ils ont fait un deuxième réacteur en 1970 avec l'Agence de l'énergie atomique. Donc là, ils ont comme un peu légitimé leur production, mais en fait, c'était pour faire des bombes. Ça, c'est tout caché. Fait que l'énergie atomique, eux autres, l'Agence de l'énergie nucléaire atomique, ils passent, puis ils voyaient rien. Là, ils sont comme... les autres, ils s'affichent avant d'arriver, donc ils vont tout cacher les affaires dangereuses avant. Là. Bon, maintenant, l'Iran. Ça, c'est vraiment ceux qui ont un arsenal récent. Là. Eux autres, ils ont démarré leur programme nucléaire en 1950. Eux autres, le problème de l'Iran, c'est qu'ils ont... Pour les Américains, par exemple, c'est qu'ils ont plusieurs sites d'enrichissement. Ils ont tous fragmenté leur production, finalement, dans différents endroits, ce qui fait que les Israéliens, par exemple, ne peuvent pas faire de frappe préventive pour détruire le stock iranien. Donc, ils sont un peu pris avec ça. Là. Moi, ici, là, je compte 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19 sites. Ils ont une vingtaine de sites là, d'enrichissement, de fabrication des pièces pour les bombes atomiques. Donc, c'est extrêmement difficile. Là. Je ne peux pas tous vous les nommer un après un, là, un après l'autre, mais je les ai ici. Là. Anarak, Arak, Ardakan, Bonab, Boucher, Chalus, Darkovin. Donc, c'est ça pour cette semaine. Donc, les traités de non-prolifération du désarmement nucléaire mondial, on va voir ça une autre fois. Et puis, espérons... I want to buy you flowers. It's such a shame you're a boy. But when you are not a girl, nobody buys you flowers. I want to buy you flowers. And now I'm standing in the shop. I must confess, I wonder if you will like my flowers. You are so sweet, and I'm so alone. Oh, darling, please tell me you're the one. I'll buy you flowers. I'll buy you flowers like no other girl did before. Radio Impact, la radio qui dit.